Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. À marche l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1973. Marco Ferreri triomphe sous les huées. Des mesures, sexe, scatologie, orgie. Sur la croisette, on ne parle plus de cinéma, on éructe des mots-clés. La projection de La Grande Bouffe, film de l'Italien Marco Ferreri, présenté dans la sélection française, a déclenché une convulsion généralisée. Un scandale ! Un scandale ! Cette histoire de séminaire gastronomique suicidaire, où quatre hommes se goinfrent à en mourir, accompagnés par une institutrice, mi-madone, mi-cochonne, a provoqué force hurlements, insultes et remous dans la salle. Quelques timides et courageux applaudissements aussi, mais le scandalomètre explose. Pour entendre les gens péter, rôter, tout ça, faire l'amour, non, c'était vraiment dégueulasse. À Cannes, festival volontiers polémique depuis la Dolce Vita de Fellini huée en 1960, et festival politique avec l'interruption de mai 68, on baignait pourtant dans des eaux bien tièdes l'an passé. Après ce cru 72, jugé faiblard, le comité de sélection a sans doute voulu reprendre les choses en main. En témoignent notamment ces deux films radicaux qui concourent pour la France, La Grande Bouffe de Marco Ferreri, mais aussi La Maman et la Putain de Jean Eustache. Pas de caresse vagasse, Alexandre, mais qu'est-ce que vous croyez? En tripotant les seins d'une femme ou son sexe, mais qu'est-ce que vous croyez? Ce qui ne semble pas être du goût de la présidente du jury, Madame Ingrid Bergman, pour qui ces deux films sont les plus sordides et les plus vulgaires du festival. Depuis la projection de La Grande Bouffe, les critiques sont sous l'influence scatologique du film. J'ai demandé à Marco Ferreri de m'en lire quelques-unes. Voir La Grande Bouffe et vomir. Honte pour le producteur de ce film, honte pour son réalisateur, honte pour les comédiens. Un farouche cochon sanglier. On estime donc que cette bouffonnerie italienne déshonore la France et que les acteurs stars Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi et Philippe Noiret se roulent dans la fange. C'est du congelé, ça ? Et alors ? Quand il faut, je suis pour le progrès. Pourtant, Michel et Philippe, que j'ai rencontrés, défendent le film au-delà de ce qu'on pourrait attendre de deux acteurs en promo. On dit aussi toujours que c'est un film sur l'horreur. C'est le contraire, c'est un film d'éveil. C'est un film pour se réveiller. On parle aussi de vulgarité. Oui, ça, c'est... Et de sexe. C'est parce que les gens ont encore peur des choses. Alors quand on a dit ces deux mots, c'est vulgaire, alors c'est le paravent. Alors que nous baignons dans la vulgarité, enfin, je veux dire... Aussi. Mais fais un effort, Michel. Qu'est-ce qui choque tant, alors? L'animalisation de l'homme, réduit à une mécanique physiologique? La société de consommation? Ou peut-être tout simplement, cet insupportable miroir tendu aux festivaliers eux-mêmes? C'est ce que disent certains journalistes qui ont dépassé le stade convulsif ou scatologique. C'est merveilleux que ce film provoque les réactions qu'il voulait les provoquer. Ravi. Et ça serait dommage que ça soit pas fait. Ça serait dommage que les imbéciles ne se démasquent pas. Ça serait dommage que les pères lapideurs ne se démasquent pas. Ça serait dommage, encore plus dommage, qu'on refuse ce film simplement parce qu'en effet, il y a des gens qui mangent pas et d'autres qui mangent trop. Mais on a ici à Cannes, il suffit de passer sur la croisette et de voir tous les gens bouffer pour s'apercevoir qu'on est en pleine grande bouffe. Après une conférence de presse houleuse... Dans la mesure où vous avez dit au cours de l'interview précédente... J'ai pas dit ça ! J'ai compris que toutes ces analyses étaient des béquilles pour faire face à cette vérité vertigineuse. Ce n'est pas la société de consommation qui est en cause. C'est la société tout court. Cette nature humaine qui conduit quelques-uns à manger plus que tous les autres. N'est-ce pas, Monsieur Ferreri ? Et la société, c'est une société où un petit groupe de gens... Ils bouffent beaucoup et où 90% ils bouffent rien. Je veux que les gens qui bouffent beaucoup se regardent dans ce film comme un miroir. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Téléportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, une quarantaine d'années plus tard, c'est que la grande bouffe ne provoque, hélas, plus le scandale. C'est avec ces mots qu'en 2013, à Cannes, l'actrice et grande figure féminine du film Andrea Ferréol introduira la projection d'une copie restaurée devant un parterre assagi. Gérard Lefort, illustre critique de cinéma et fin connaisseur du festival. Elle choquerait moins, hélas, parce que je crois que le système de la provocation, on l'a vu à la télévision, maintenant on le voit sur les réseaux sociaux, est un système justement, c'est-à-dire une organisation de la provocation qui anesthésie la provocation. Je pense que le film de Ferréol était une sorte de hurlement, de cri de joie et de rire aussi, parce qu'il y a un hédonisme incroyable dans le film. Aujourd'hui, il serait plus balisé, organisé, et du coup, sans doute reçu dans le flot des pseudo-autres provocations. Parce que sur les réseaux, quand on dit un gros mot, on pense qu'on est révolutionnaire. Ben non, les grands mots de la révolution, c'est des mots choisis, c'est des mots magnifiques, c'est de la poésie, c'est certainement pas des invectives. Donc aujourd'hui, si le film... D'abord, je ne sais pas s'il serait produit, tout simplement. Je ne suis pas sûr qu'on trouverait les acteurs pour le jouer. C'est quand même Ugo Tognazzi, enfin, c'est des stars à l'époque, on ne se rend peut-être pas compte. Et puis, il y a eu un petit reproche qui a été fait au film à l'époque, et ça c'est pour le réactualiser aujourd'hui, c'est une certaine misogynie. C'est pas vrai du tout, j'ai revu, il y a une sainte, une déesse, mais c'est pas une sainte, c'est une sainte laïque incarnée, c'est Andrea Ferréol qui est là. Et c'est la seule qui dit attention à tous ces messieurs qui mangent trop et qui boivent trop, qui leur dit attention. La grande bouffe, devenue culte, connaîtra un succès commercial décuplé par les réactions ulcérées de l'époque. Mais l'a-t-on enfin comprise ? Le film continue d'être présenté comme une critique de la société de consommation. Pourtant, le miroir tendu par Ferréol est bien plus visionnaire. Il invite la folie du profit, qui n'a cessé de croître, à se regarder en face. Notre système économique est tellement déformé qu'il bénéficie à seulement 1% de la planète, plutôt qu'aux 99% restants. C'est ainsi qu'il est possible pour 8 milliardaires d'avoir à eux seuls la même richesse que la moitié de la planète. Mais la grande bouffe, c'est aussi un scandale qui n'aurait plus lieu dans le festival tel qu'il est aujourd'hui. Vestige d'un temps où l'on se battait, littéralement, pour un film. Les scandales à Cannes, il y en a encore. J'ai l'impression qu'ils sont très organisés, très programmés, très encadrés. Alors il y a le fameux, effectivement, scandale avec 200 tonnes de guillemets, Lars von Trier qui se dit qu'en gros il est copain avec Hitler, je résume, et qui fait qu'il est déclaré très clairement, quoi qu'en latin, persona non grata. Et alors le scandale par contre de la grande bouffe 73, je crois que le festival n'est pas encore cadré. C'est-à-dire ça bouge, c'est moins compliqué, on a accès très facilement aux cinéastes, aux acteurs, aux actrices. C'est une foire d'empoigne, mais c'est pas encore la foire aux vanités.